et vendredi ensoleillé, maximum 11 degrés. Et les secteurs du Nord, Saint-Michel et les environs, quelques nuages cette nuit avec un minimum de 8, de la pluie qui débute en matinée jeudi, maximum de 13 et ensoleillé pour vendredi, maximum 11 degrés. CFNJ 89.1 89.9. Bienvenue à Méloman, l'émission pour vous, les fous de la musique sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ FM ou encore en direct sur CFNJ.net. Mathieu Lajoie au micro en cette édition du 12 octobre 2016 de Méloman. Toujours content de vous retrouver chaque mercredi. J'espère que vous vous êtes remis de notre rencontre de la semaine passée pour notre Radio Pirate 7 qui, faut l'avouer, fut assez corsée, mes amis, par moments du moins. Mais, vous le savez, d'une semaine à l'autre, c'est comme une roulette russe. On sait jamais à quoi s'attendre. Et j'aime bien à penser que c'est ce qui fait la beauté de l'émission. En tout cas, ça nous tient ceux qui vivent. Puis ça, ça nous garde en santé. Donc, sans plus tarder, ce soir, après plusieurs semaines de spéciaux en tout genre, pourquoi pas tout simplement un beau petit varié, format classique, sans prétention, qui commence à l'instant. 99 ans, CFNJ. It happened in Monterey a long time ago. I met her in Monterey in old Mexico. Stars and steel guitars and luscious lips as red as wine broke somebody's heart, and I'm afraid that it was mine. It happened in Monterey without thinking twice. I left her and threw away the key to paradise. My indiscreet heart longs for the sweetheart that I left in old Monterey. It happened in Monterey a long time ago. I met her in Monterey in old Mexico. Stars, guitar, lips red as wine broke somebody's heart, and I fear that it was mine. It happened in Monterey, and without thinking twice, I left her, and I threw away the key to paradise. My indiscreet heart, how it longs for that sweetheart that I left in old Monterey. She held him up and he held her. nuit. Dans ta chemise de nuit, à moitié finie. T'es bien fatigué, mais tu me souris. T'as les yeux pochés, moi je te trouve jolie. Tu es la fille la plus gentille que je connais. J'ai trop bu ce soir, je vois tout en noir. Prends-moi par la main, on va aller s'asseoir. Me servirais-tu un bon café noir? Ça me fait tellement bien de venir te voir. Tu es la fille la plus gentille que je connais. Si tu voulais, je resterais. Ça va faire 10 ans que je te connais. La plupart du temps, on se dit des secrets. Quand on se fait de la peine, c'est encore plus le fun. On se téléphone, puis on se pardonne. Tu es la fille la plus gentille que je connais. Si tu voulais, on partirait. On irait faire un tour d'auto, tout le tour de la terre. J'ai la radio, tu ferais jouer ce qui te plaît. Tu fumerais des cravenés. Tu remplirais le cendrier. Puis tu serais trop fatigué. Tu dormirais sur mon épaule, et c'est mon épaule qui serait la mieux. Au 99.1 et 88.9 CFNJ, c'est Méloman avec Mathieu Lajoie. If you don't want, you don't have to. If you don't want, you don't have to. If you don't want, you don't have to. Say you better leave my woman alone. Well, I know you are a playboy, and you've got women all over town. But listen, buddy, if you ever sweet talk my little girl, I'm gonna lay your body down. If you don't want, you don't have to. Get in trouble. You know you don't want. Oh yeah. If you don't want, you don't have to. Get in trouble. Better leave my woman alone. Well, I know you got your money, and you've got a new 56-2. But if I ever see my little girl in your new car, I'm gonna do some work on you. If you don't want, you don't have to. Get in trouble. You know you don't want. Oh yeah. Get in trouble. If you don't want, you don't have to. Get in trouble. Oh, you better leave my woman alone. In trouble, so I don't want to start a fight. So if you'll take heed and stay away from my little girl, then everything will be all right. If you don't want, you don't have to. Get in trouble. No, you don't want, you don't have to. Get in trouble. If you don't want, you don't have to. Get in trouble. Oh, you better leave my woman alone. My woman alone. don't have to. Get in trouble if you don't want, you don't have to. Get in trouble if you don't want, you don't have to. Get in trouble, yeah, you better leave my woman alone. My woman alone, my woman alone. If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. If you are serious, don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, then a baby I will. Girl, you know I will. Tell it like it is. Don't be ashamed. Let your conscience be your guide. But I know deep down inside of me, I believe you love me. Forget your foolish pride. Life is too short to have sorrow. You may be here today and gone tomorrow. You might as well get what you want. So go on and live. Baby, go on and live. Tell it like it is. I'm nothing to play with. Go and find yourself a toy. But I tell it like it is. My time is too expensive, and I'm not your little boy. La voisine arrive de nous autres parce qu'on avait 12 enfants. Changer son fusil d'épaule depuis qu'elle en a autant. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre casser le cou. Le patron te raconte que t'es adroit et gentil. Sois sûr que t'es le nigaud qui fait marcher son bateau. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Il est jeune, il est joli, il est riche, il est poli. Mais une chose l'ennuie, c'est son valet, quel génie. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. L'argent est au bas de l'échelle et le talent part en haut. C'est pourquoi personne en haut, pourtant la vue est plus belle. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Parce que j'avais pas de manteau, j'ai pris la peau de mon chien. Tu vois qu'il n'y a pas plus salaud que moi qui chante ce refrain. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Quand on me dit va à droite, c'est à gauche que je m'attelle. Vous qu'aux enfers on rejette, on s'en verra peut-être au ciel. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Couplet censuré. La veille des élections, il t'appelait son fiston. Le lendemain, comme de raison, il avait oublié ton nom. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Quand monsieur le curé raconte que la paroisse est pleine d'impies. C'est pas à cause des péchés, c'est que les dîmes sont pas payées. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Et de retour d'un premier bloc ce soir en plein varié, format classique Mélomane au 99.1 et 88.9 CFNJ et un classique de Félix qu'on vient d'entendre bien sûr avec Attends-moi Tigard en 1957 qui nous rappelle que M. Leclerc est d'abord et avant tout un grand contestataire. Il disait les choses comme elles étaient, ce qui nous mène à faire un lien tiré par les cheveux avec Tell It Like It Is, une des chansons les plus soul de tous les temps. En la personne d'Aaron Neville en 1966, un gars qui a de la famille dans les Meters, un des groupes qui, eux, sont les plus funky de tous les temps aussi. Donc, on peut dire qu'il y a du beat dans ce sang-là en masse. Comme dans ce qu'on a entendu juste avant. Aussi, d'ailleurs, un bel exemple d'hybride de gospel et de rhythm and blues, chose qui était assez mal vue à l'époque, voire carrément blasphématoire. Et c'est un amalgame explosif qui a été pratiqué et popularisé surtout la première fois par nul autre que Ray Charles, qu'on a entendu en 1958, avec l'excellent Leave My Woman Alone, qui, en passant, est une chanson, c'est du one take, là. Une prise en studio avec les filles, tous les instruments en même temps. Faut le faire, c'est des choses qu'on voit plus beaucoup aujourd'hui. Donc, Leave My Woman Alone, qui suivait pour aucune raison valable ce cher Charlebois avec la très belle Tendresse et Amitié de 74, un genre de prototype de Je reviendrai à Montréal qui va sortir 2 ans plus tard. Et c'était Tendresse et Amitié sur un texte d'un de nos plus grands et plus mystérieux auteurs, soit Régent Ducharme, qui est d'ailleurs natif de Saint-Félix-de-Valois en plus. Et c'est rare que je vous conseille des livres, mais La Vallée des Avalées et L'Hiver de Force, c'est des musts. Donc, lisez ça à ma santé, si vous avez une chance. Et sinon, début de bloc dans les contrastes, comme on aime avec les Eagles et Life in the Fast Lane, single de 77, mais qu'on pouvait aussi retrouver sur l'album Hotel California de 76, et même parfois sur la face B du 45 tours d'Hotel California, du moins au Canada. Et tout ça amorcé par M. Sinatra en personne avec It Happened in Monterey en 1956. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est varié et que ça se poursuit avec une chanson suivie d'une autre qui l'a inspiré. Donc, portez attention à ça, une chanson qu'on écoute en ce moment. La suivante sera celle qui l'a inspiré. Le tout au 99.1 CFNJ. Of the life in the city of gold, he'd left it let nobody know. Gone were the towers he had known from a child, along with a dream of a life. He traveled the wide open road, the blinked arcade, in search of another to share in his life. No. Everyone looked so strange to him. They got no horns and they got no tail. They don't even know our existence. Am I wrong to believe in the city of gold? It lies in the distance. Crying, wells, they led him away to a cage. Beasts that can talk read the sign. As they pushed and they prodded his frame and questioned his story again. But soon they grew bored of their prey, the beast that can talk, more like a freak or publicity stunt. Bye. set out with the beast in his horns and his crazy description of home. After many days' journey, we came to a peak where the beast gazed abroad and cried out. We followed his gaze and we thought that maybe we saw a spire of gold. No trick of the eye. FNJ 99.1 et 88.9, avec vous partout dans la Naudière. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, let's save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. Around enough to know you're the one I want to go through time. faudrait que je le dise, mais je ne sais pas comment on dit quand on veut dire ces choses. Faudrait que je le dise, je le dirai peut-être jamais, ce qu'on dit quand on tient une femme dans ses bras. Mais c'est difficile à dire, je t'aime. J'aimerais mieux l'écrire, j'aimerais mieux le mimer, ce qu'on dit et que je ne peux pas dire. Faudrait que je le dise, et un jour je le dirai, ce qu'on dit quand on tient une femme sur soi. Je t'aime. Get into the swing. Every time they hear that oopapa, everybody feels tra-la-la-la. They want to throw their cares away. They all go la-di-da-di-a. Then they hear a rumble on the floor. It's the big surprise they're waiting for. And all the couples form a ring. 4 miles around, you'll hear them sing. Go, roll, roll, roll, roll out the barrel, 'cause we're gonna have a whole lot of fun. Bring out the king-size barrel, you've got the blues on the run. Sing, bang, boom, bop, goes the barrel, swing out a song of good cheer. Now's the time to roll the barrel. For the gang, for the gang. 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 Et c'est les Mills Brothers qu'on vient d'entendre en 1962 avec une version plutôt swingée d'un classique de la polka, soit Beer Barrel Polka, que sûrement il y en a quelques-uns parmi vous qui ont reconnu cet air familier. Une chanson tchèque, en fait, originellement composée en 1927 par Jaromír Vejvoda. Un air qui, évidemment, a ensuite voyagé de par le monde. Chose qui suivait une pièce d'un album légendaire, pilier de toutes les collections de vinyles qui se respectent. J'ai nommé l'album Jaune de 1970, Jean-Pierre Ferland, un album où on pouvait retrouver des excellents musiciens, dont Tony Levin, bassiste de Peter Gabriel et King Crimson. Mais donc, Jean-Pierre Ferland qu'on a entendu avec la très belle « Ce qu'on dit quand on tient une femme dans ses bras », qui suivait un chef-d'œuvre tout simplement « Per qualche dollaro in più », ou, pour ceux d'entre nous dont l'italien n'est pas tout à fait au point, le thème principal du film « Pour quelques dollars de plus » avec Clint Eastwood, film de Sergio Leone, mais surtout dans le cas qui nous intéresse ici, musique d'Ennio Morricone en 1965, mais qui semble toujours intemporel. Et parlant justement du temps, c'est Jim Croce qu'on a entendu juste avant qui voulait capturer le temps dans une bouteille avec Time in a Bottle, un classique du folk américain sorti en album en 72 et un an plus tard en single. Et juste avant ça, nul autre que les Beatles avec Getting Better en 67, une chanson qui va directement inspirer Tony Banks, claviériste de Genesis, a composé A Trick of the Tail, pièce-titre de l'album du même nom de 1976 qu'on a entendu juste avant. Premier album d'ailleurs où Phil Collins va prendre le relais comme chanteur du groupe après le départ de Peter Gabriel. Mais nous, on s'en va complètement ailleurs, évidemment, avec une femme qui dit avoir compris la musique après avoir compris celle de Jean-Sébastien Bach. Et ça s'entend dans son jeu. On écoute Madame Nina Simone, 99 ans, CFNJ. I'm just a poor fool that's bluer than blue can be. When I get that mood indigo, I quit. could lay me down and die. Thank you. day. And the blood bleeding in my head. Oh, I tell my thank God that you with another man. I was playing rock and roll, you were just a fan. With my guitar, you were holding, so I skipped the band.

love. So glad that you came. Rain, rain, rain, showers. I'm broken, I'm lame. C'est PAG qu'on vient d'entendre au 99.1 et 88.9 CFNJ, toujours et encore sur CFNJ.net aussi pour un beau mélomane varié format classique ce soir avec donc Michel Pagliaro et son Rain Showers de 1972, une chanson qu'on pouvait aussi retrouver sur son long jeu PAG d'ailleurs dès 1971 et qui suivait ici le groupe Love and Kisses avec Thank God It's Friday, qui, évidemment, aurait sûrement été plus approprié un vendredi, mais que voulez-vous, Mélomane, c'est le mercredi, on va pas s'empêcher de vivre pour ça. Donc, une pièce, imaginez-vous, qui nous vient originalement d'un film disco, parce que non, il n'y a pas juste eu Saturday Night Fever, il y a aussi eu Thank God It's Friday en 1978, donc un an plus tard. Et juste avant ça, une des pièces, attention, maîtresse de la soirée, peut-être une facette que vous connaissiez moins, d'Elton John, presque prog, avec Funeral for a Friend, Love Lies Bleeding, entre parenthèses, pièce qui ouvrait son opus Goodbye Yellow Brick Road de 1973, et qui a aussi été reprise, la chanson, croyez-le ou non, par Dream Theater, qui sont très connus dans le monde du métal progressif, justement. Donc, vous l'aurez appris à Méloman si c'était pas déjà fait. Et soit dit en passant, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a eu droit aussi à des sons de synthétiseurs très semblables à ceux qu'on a pu entendre la semaine passée dans le thème de l'Orange Mécanique, soit le Henri Purcell joué par Wendy Carlos, pas mal dans les mêmes années d'ailleurs. Et bref, sinon, on a aussi entendu une pièce qui nous vient d'une comédie musicale yiddish de 1932, une composition de Sholom Secunda, qui a aussi composé Donna Donna, qu'on avait déjà entendu par John Baez à l'émission d'ailleurs. Mais là, c'est Bemir Bist du Schön, excusez mon allemand sommaire, qu'on a entendu dans une version instrumentale du Danois Jørgen Eggman en 1962. Et le tout qui avait débuté avec la grande Nina Simone avec une reprise d'une composition de Duke Ellington, Mood Indigo, première pièce de son tout premier album Little Girl Blue de 1958. Mais c'est pas tout ça, il manquait un peu de québécois dans le dernier bloc, même si on a entendu quand même Pagliaro, mais en anglais. Mais c'est une chose à laquelle on va remédier à l'instant au 99.1 CFNJ. hurts to see this beautiful lady walking around with me. And then she asked me, do you feel alright? And I say, yes, I feel wonderful tonight. I love you. It's time to go home now, and I've got an aching head. So I give her the car keys, and she helps me to bed. And then I tell her, as I turn out the light, I say, my darling, you are wonderful tonight. Find me in my field. au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Sous les peine dans ma peau. Prends ma main, réchauffe mon nez, moi je sens plus rien. Mes genoux à poudre d'hiver, viens givrer sur mon enfer. 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 88.9. Et un bloc qui se termine avec un classique de Return to Forever, groupe de Chick Corea, Stanley Clark, Flora Purim, etc., etc. Toutes des petites pointures, évidemment, en 1973. Une samba qui va être reprise par Stan Getz la même année, soit Captain Marvel. Et une autre pièce maîtresse de la soirée, Gracieuseté de Monsieur Fiori, au sein d'Harmonium, bien sûr, sur l'heptade avec Chanson Noire en 76. Et complètement ailleurs, mais pas tant que ça, parce que Serge Fiori a fait son école avec son père, qui avait un orchestre de jazz, donc pas si loin, parce qu'on a entendu un classique des classiques du jazz manouche, Minor Swing, du quintet du Hot Club de France, dans lequel on pouvait retrouver, bien sûr, Stéphane Grappelli au violon et la légende Django Reinhardt à la guitare qui jouait avec deux doigts et demi. Bref, Django Reinhardt, de qui on reparlera plus longuement à un moment donné, évidemment. Une chanson de 1937, imaginez-vous, qui en suivait une autre de 68, composée par McCartney en Inde, soit Mother Nature's Son, inspirée par un discours en particulier du fameux Maharishi Mahesh Yogi, qui va aussi inspirer Lennon, qui va inspirer plutôt à Lennon Child of Nature, qui va devenir plus tard Jealous Guy, sur l'album Imagine, bien sûr, pour ceux qui connaissent. Bref, tout ça précédé de Clapton avec Wonderful Tonight en 77, et bien sûr, qui d'autre que René Simard avec Ma Petite Japonaise en 1974. Et c'est là-dessus qu'on doit se quitter, chers amis. J'espère que vous avez apprécié mes petites sélections de ce soir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, comme toujours, mercredi 20h, pour une autre édition de Mélomane. Et moi, je vous laisse avec, pourquoi pas, une magnifique pièce de Schubert dont j'aurais aimé vous parler plus longuement, mais, voulez-vous, le temps nous manque un peu. Mais donc, page Facebook pour les petits détails manquants. Gênez-vous pas, Mélomane Radio, groupe Mélomane. Franz Schubert avec le premier mouvement de sa sonate Arpeggione, mais tout d'abord un bon vieux succès bien fromagé au 99.1 CFNJ. Bonne semaine. Strength I need. babe, I love you. Babe, I'm leaving, I'll say it once again. You somehow try to smile. I know the feeling we're trying to forget. If only for a while. Cause I'll be lonely without you. And I'll need your love to see me through. But please believe me, my heart is in your hands. Cause I'll be missing you. Babe, I love you. Babe, I love you. gin song.